musique se lève à l'heure où le soleil se couche. Elle te fait perdre le sommeil comme quand ta faim me découche. Ma musique se réveille dès que de la gamme se couche. Ma musique est une pure coque doublée d'un spilif à la bouche. Si les filles font des bêtises, c'est que ma musique les touche. Si les MC en ont plein le cul, c'est que ma cycle les couche. Elle sort de la cave, tu peux même la chanter sous la douche. Sauf si t'as deux ans d'âge mental, car ma zik n'est pas une couche. Mon encre à moi c'est de l'alcool, donc quand j'écris ça coule. J'écris sur feuilles longues, pour ça que mes rimes ont l'air si cool. Mais quand les bleus voient rouge, ma musique a des bleus. Elle croit en Dieu, fume des bédos, donc ma musique a les yeux rouges. Elle passe dans le poste de ta caisse, dans ta chaîne et tes tympans. Sur CD dans ton PC, tes enceintes et dans tes tympans. Sur ta clé USB, dans ton casque et puis dans tes tympans. Dans tes tympans. J'peux pas vivre sans musique, j'peux pas, pas. J'peux pas vivre sans musique, j'peux pas, pas. J'peux pas vivre sans musique, j'peux pas, pas. Comme motivé par la zik mec, par les beats mec, que je traite un pec, pas de hic mec. C'est un trip comme un autre, un son et mon oreille m'emporte, je deviens spationaute. Un bloc à la menotte, où je note des codes, où je note des notes, que des jeunes décodent, que des vieux déplorent, que des personnes connes troquent contre un con. T'as vu la force que ça me donne, et ça peut mettre aussi stone, ça t'étonne, tu tâtonnes, il te faudrait un assistant. Je suis résistant, car drogué musicalement, le stress je ne connais pas, car j'ai trouvé mon calmant. Je suis accroché au son comme un poisson à l'hameçon, garçon, passons accroché au son, car bercé par lui depuis ma première boisson. Ah, compter les temps, comme tu te soucierais du temps qu'il fera pour tes vacances ou ton odeur quand tu transpires, quand tu danses pire, quand tu penses dire un truc censé faire rire, mais dont tu n'es pas sûr qu'il passe avec usure, comme un citron vert sûr ou comme une taffe pure pompée dans ta verre. Je ne peux pas vivre sans ma zique, sans ma zique. Je ne peux pas, pas, pas, je ne peux pas vivre sans ma zique, sans ma zique. Je ne peux pas, pas, pas. Prépare-toi à ta gifle quand t'écoutes ma zique, à la fois magique et tragique. Gratuit, je pratique, actif comme une baise sans plastique. Je la meuf à Brad Pitt, j'ai pas de shit et pas de fric. Un phone tel sans batterie, un bad trip sans gâterie. Un tas de rimes sympathiques et plein de potes en psychiatrie. Crapote sur ma deux, oui, oublie ton mal de vivre. T'es libre de penser, mais tu n'as lu que deux livres. Je suis ivre et défoncé, pire qu'un mec branché. Je ne cherche que du sensé en poitrine et en rap français. J'ai pas envie de changer, mais j'ai envie d'un songer. À rouler, à fumer, assumer le danger. Je prévois pas de plan B, ni de me faire planter. Bêtement, honnêtement, j'ai déjà le moral plombé. Je prévois pas de plan B, ni de me faire planter. Bêtement, honnêtement, j'ai déjà le moral plombé. Je ne peux pas vivre sans ma zig zig, sans musique zig.